Chapitre 6. La vieille bergère en velours d'Utrecht, sur laquelle Nicétas avait dormi plus d'une fois, était toujours le plus bel ornement de la salle à manger de Soupère, car à l'âge avancé auquel elle était arrivée, 12 années de plus ou de moins n'avaient pas d'importance pour elle. Cette nuit-là, elle servit encore de lit à Nicétas, qui, le lendemain, après un solide déjeuner, descendit à Palaiseau pour prendre le train et retourner à Paris. Mais comme il arrivait à la gare, il aperçut un flot de Parisiens débarquant en habit de fête qui lui rappela que c'était dimanche. Qu'irait-il faire à Paris, où rien de particulier ne l'appelait d'ailleurs, quand tout le monde venait à la campagne? Errer par les rues désertes dans ce costume de besogneux n'était pas pour lui plaire. Pourquoi lui aussi ne s'offrirait-il pas une partie de campagne? Les 12 francs de Soupère sonnaient dans la poche de son gilet, mêlés aux quelques pièces de monnaie qu'ils avaient été rejoindre. Après une promenade de quelques heures, il pourrait se payer un dîner champêtre et le soir reprendre le train pour Paris. Alors l'idée lui vint d'aller à Chambray, autant là qu'ailleurs, et même mieux. Il aurait plaisir à revoir ces bois où tant de fois il s'était promené en rêvant à Ghislaine. Et par la plaine où les blés nouvellement épiés ondulaient sous une légère brise, il se mit en route d'un pas nonchalant. Rien ne le pressait. C'était vrai qu'il avait aimé cette petite Ghislaine, passionnément aimée. Depuis 12 ans, il avait connu bien des femmes, mais aucune n'avait ému son cœur comme celle-là. Chez aucune, il n'avait retrouvé cette grâce, ce charme, cette séduction. Ça avait été son beau temps dans sa vie tourmentée, le seul qui lui eût laissé des souvenirs heureux, auxquels il eut plaisir à se reporter, le seul où il eût envisagé l'avenir avec espérance, où il eût eu confiance dans le présent. Quel fou, quel naïf il avait été! Ah, pourquoi ne s'était-elle pas laissée aimer? Pourquoi ne l'avait-elle pas aimé? Comme tout aurait changé, mais elle l'avait repoussé. Et voilà où il en était arrivé. Découragé, il avait abandonné le métier qu'il avait aux mains, et maintenant il roulait de chute en chute, au hasard, misérable jouet de sa destinée, solitaire, sans soutien, sans but, sans autre ambition que de ne pas crever de faim le lendemain. La sotte, l'orgueilleuse créature, c'était un imbécile qu'il lui fallait, ce Dunière. Et il avait forcé le pas, se disant qu'il serait amusant de voir cet imbécile et de lui rire au nez. « Tu es fier de ta femme ? Eh bien, je l'ai eue, et avant toi encore. Demande-lui si elle s'en souvient. Elle m'a chassé, et pourtant je suis toujours entre elle et toi. Quelle chance elle avait eue de ne pas attraper un enfant ? Voilà qui eût été vraiment drôle. » Comme cette pensée le faisait rire, il s'arrêta tout à coup et se frappa le front. Et pourquoi n'en aurait-elle pas attrapé un? N'était-il pas bizarre qu'après son aventure, elle eût voyagé à l'étranger, se sauvant? On ne se sauve pas quand on n'a rien à cacher. On ne disparaît pas pendant des mois. L'intéressant serait de savoir combien de temps avait duré son absence et où le comte l'avait cachée. Quand il avait appris qu'elle était partie avec M. de Chambray, cette idée lui avait bien traversé l'esprit, mais il ne s'y était pas arrêté, se disant qu'il était plus raisonnable de supposer, plus vraisemblable de croire, qu'elle se sauvait pour ne pas être exposée à le rencontrer et pour échapper à ses poursuites. Et pour se distraire lui-même, pour secouer son ennui, sa mauvaise humeur, son chagrin, il avait accepté de partir pour l'Amérique sans attendre qu'elle fût de retour. Jamais depuis, cette idée d'enfant ne lui était venue. Mais ce que Soupère lui avait raconté devait le faire réfléchir. Quelle était cette petite fille que le comte aurait eue, qu'on élevait chez un garde du château, à qui le comte léguait sa fortune sans que sa nièce se fâchât? Cela n'était-il pas bizarre? Alors surtout, en considérant l'âge de cet enfant, 11 ans, 12 ans, disait Soupère. Mais justement, si Ghislaine avait eu un enfant, celui-ci précisément serait de cet âge. N'était-ce pas là une coïncidence extraordinaire, ou tout au moins curieuse? Eh eh! Il ne fallait pas s'emballer, et comme la marche lui fouettait le sang, il s'assit à un carrefour où se trouvait un bouquet d'arbres. L'endroit était désert. En cette journée du dimanche, les champs étaient abandonnés. Personne ne le dérangerait dans ses réflexions. Était-il possible que M. de Chambray eût organisé cette supercherie de l'enfant naturel? Pour lui, après la démarche du comte et ses menaces, la question n'était pas douteuse. Capable de tout, le comte, pour sauver l'honneur de son nom. Si sa nièce était dans une situation embarrassante, rien de plus simple que de prendre l'enfant à son compte. Mais ce qui ne l'était pas, et ne se comprenait guère, c'était que cet enfant, né à l'étranger, fut amené en France et installé justement au château. Si Ghislaine était sa mère, elle ne devait pas désirer l'avoir près d'elle, et si le comte était son oncle, il ne devait pas instituer son légataire, un enfant qui, pour tous deux, ne pouvait être qu'un objet d'exécration dans le présent et une menace de honte pour l'avenir. La question était plus compliquée qu'elle ne le paraissait au premier abord, et pour la résoudre il fallait autre chose que des suppositions, plus ou moins romanesques, car si Ghislaine pouvait être la mère, le comte pouvait tout aussi bien être le père. Avant de rien décider, le mieux était donc de voir et de se renseigner, c'est-à-dire de faire une enquête à Chambray même. Se relevant, il se remit en route, et son pas nonchalant, en quittant Palaiseau, se fit plus nerveux. Maintenant, il avait un but. Si Ghislaine était la mère de cette petite fille, il en était le père, lui. Et c'était une situation que celle de père d'une héritière pour un homme qui n'avait pas 20 francs dans sa poche. Décidément, il avait été bien avisé de revenir en France, et comme il le disait à Soupère, Paris était un bon terrain pour la lutte. Comme il approchait de Chambray, il entendit une sonnerie de cloche, sans doute c'était les vêpres. Au temps où il était le professeur de Ghislaine, elle ne manquait aucun office. En épousant un des chefs du parti catholique, elle n'avait pas dû renoncer à ses pratiques religieuses. Il y avait donc chance de la trouver à l'église, si en ce moment elle habitait Chambray. Il hâta le pas et ne tarda pas à entrer dans le village. De loin, on entendait les ronflements de l'ophicléide et les notes claires des voix enfantines. Bâti au XVe siècle, en pierre de grès et en pierre meulière, comme dans la plupart des villages environnants, l'église de Chambray est des plus simples, au moins à l'extérieur, ce genre de matériaux ne comportant aucune décoration. Mais à l'intérieur, la piété des princes de Chambray l'a enrichie de vitraux, de sculptures, de tableaux, de statues, qui lui donnent un caractère particulier qu'accentue encore la chapelle funéraire de la famille, prise dans le collatéral de gauche et fermée par une magnifique grille en fer forgé du XVe siècle, achetée en Flandre et offerte par le père de Ghislaine. Ce fut à travers les barreaux de cette grille qu'après l'avoir longtemps et minutieusement cherchée dans l'église, Niceta s'aperçut Madame Dunière ayant près d'elle un homme de tournure élégante qui ne pouvait être que son mari. Alors, sans qu'il en eût conscience, il murmura quelques mots qui le firent regarder curieusement par les deux ou trois paysannes qui les entendirent. « Dommage !» Ce cri de regret était en même temps un élan d'admiration, la retrouvant telle qu'il l'avait aimée. Il semblait que l'âge pour elle n'eût pas marché, et qu'elle fût restée aussi fine, aussi mignonne qu'à 18 ans. Ses yeux gris, chatoyants, avaient la même douceur profonde, et sa bonne grâce, sa simplicité de tenue, étaient toujours les mêmes. Quel contraste entre elle et lui qui avait tant changé qu'après 12 ans d'absence, personne ne voulait le reconnaître. Pour ne pas provoquer l'attention, car son plan n'était pas arrêté, il devait être prudent. Il gagna doucement la porte et il se promena sur le parvis en attendant la fin des vêpres. Ce fut seulement quand on commença à sortir qu'il se rapprocha du porche, de façon à ce qu'elle dût passer devant lui. En effet, elle ne tarda pas à paraître au bras de son mari, s'entretenant avec Lady Cappadoce qui marchait près d'elle, tout en répondant d'une inclinaison de tête et d'un sourire affable au salut qu'on lui adressait à gauche et à droite. Elle était si bien absorbée dans son entretien et ses politesses qu'elle ne le vit point, ou tout au moins qu'elle ne le remarqua pas. Mais il n'en fut pas de même du comte Dunière, qui, en apercevant cet inconnu, tourna la tête vers lui. Quand leurs yeux se croisèrent, Niceta sut un mauvais sourire, et tout bas, ses lèvres répétèrent le mot qu'il avait déjà dit plusieurs fois. « Imbécile !» Mais il dut reconnaître que pour la tournure et les manières, cet imbécile n'était pas le premier venu. Il ne quitta sa place que lorsqu'il les eut vus disparaître dans la rue qui conduit au château. Peut-être celle pour laquelle il était dans ce village, sa fille, avait-elle passé devant lui, mais parmi les fillettes qu'il avait vues, comment l'eût-il deviné? C'était son enquête qui devait la lui faire connaître. Cette enquête, bien entendu, il n'allait pas la commencer en interrogeant tout simplement et tout franchement les gens qu'il rencontrerait. ce qui, avec des paysans, serait le meilleur moyen de ne rien apprendre, en même temps que ce serait le meilleur aussi de se trahir. De quel droit, à quel titre s'occupait-il de cette petite fille? Qui était-il? Que voulait-il? Ses manières primitives n'étaient point de son âge. Les preuves qu'il avait faites de la vie lui en avaient appris d'autres moins naïves et plus sûres. Quand il venait pour ses leçons et qu'il arrivait ayant chaud, il entrait quelquefois pour se rafraîchir dans un cabaret situé à une petite distance du château et portant précisément pour enseigne au château. Il s'établirait là, et en restant longtemps attablé, ce serait bien le diable s'il ne trouvait pas moyen d'engager la conversation avec un paysan ou un domestique. À cette époque, il y avait des domestiques, particulièrement les valets d'écurie, les garçons jardiniers, qui, n'étant point nourris au château, prenaient là leur repas. Il devait en être toujours ainsi. De plus, c'était dimanche, et ce jour-là, le cabaret était toujours plein. Il aurait vraiment peu de chance, ou il serait bien maladroit s'il ne trouvait pas un bavard qui voulût parler. Il est vrai que pour parler, il faut savoir, et qu'il pouvait tomber sur un ignorant, mais il avait toute la journée, toute la soirée à lui. Quand il entra, la grande salle était pleine, et sur l'ardoise des tables, on remuait en les tapant des dominos, tandis que sur d'autres on abattait des cartes grasses. À côté des paysans aux mains calleuses et encroûtées, au visage hâlé et tanné, se trouvaient les domestiques du château, valets d'écurie, valets de pied, aides de cuisine, qu'on reconnaissait tout de suite à leur menton bleu et à leurs belles manières. Ce fut à une table voisine de ces derniers qu'il s'assit.